guerre civile comme réponse aux problèmes de société. Entends-y ce que tu veux, mais en France ça va péter. Les camps sont déjà faits, manque plus que les armes à charger. Toi t'y crois pas, comme si je te racontais n'importe quoi. La rage du peuple, mon frère, la guerre des nerfs. Parce qu'au bord de la rupture sont nos ministères. On est victime d'une politique de fou, une dictature de fou, une répression de fou. Pour une jeunesse qui s'en fout, un pays qui aime pas sa jeunesse, ça met à bout. C'est un pays qui meurt et qui tient pas debout avant que ça brûle dans les banlieues. Je l'avais dit que ça pèterait, on m'a dit t'es utopique, putain. Faut pas rêver, sauf que t'as vu, t'as beau être un gros mouton et à un moment donné on peut plus te prendre pour un gros con. Moi j'ai un peu confiance en le peuple et sa jeunesse. Parce que chez moi personne veut faire des gosses dans cette mélasse. Cinquième République fuit et transpire tous les bords. Regarde un peu dehors, la répression nous prend encore. L'injustice crée trop discorde, écoute-moi. Plutôt que faire des gamins, je préfère prendre une corne. Une guerre civile, ouais c'est ce qui nous pend au nez. Mais t'inquiète pas pour nous, pour ceux qui nous croient divisés. Parce que pour l'instant, on s'excite contre nous-mêmes. Mais le blême comparé à ta gueule, c'est un centième. Ça va péter, ça va être violent et plein de sang. Ça va brûler, ça va fumer les bus et les agents. Fallait pas nous laisser dans notre merde colossale. Maintenant on pète les plombs, on veut un coup d'état monumental. Les sarcos, t'as jamais flippé que les jeunes soient plus armés que ton armée. Nos pensées moins bâclées que tes idées. Pourtant écoute le rap français, tu vas bader. Ta jeunesse, oh putain de merde, elle est cultivée. La France en a marre de trimer pour que dalle. Pour que t'augmentes les impôts et baisse les allocs familiales. Parce que je crois pas qu'on a envie de guerre de quartier. Mais unis contre un même ennemi complètement taré. Nous fait une 6ème république, mais 10 piges pour la mettre en place. J'arriverai pas dans tout ce temps sans que ça pète. Faut que je me casse ou je me tape des barres sur leur gueule, je veux pas le pouvoir, je veux le répartir sur tout le globe. Rendre la parole aux opprimés et plus nombreux que leur armée. Faut que ça change vite, sinon ça va péter des villes, tu comprends le message. Je veux quoi, qu'on fasse quelque chose avant que ça pète. Et si se passe rien, bah je veux que ça pète. La révolution sera encore, oh oui, Rost l'a dit, elle va arriver. Alors putain, sois pas surpris. La guerre civile, c'est notre guerre des nerfs. L'implosion d'un pays de merde, seul comme des grands. Dans leur pays qui crée deux camps. Parce qu'il faut juste ouvrir la fenêtre pour voir la galère des êtres. Parce que nos addictions sont le reflet d'un mal-être. Rien ne va plus, ouais c'est sûr, les jeux sont faits. Alors putain, même n'aie pas trop chauffé les gens dans leur cité. Tu t'es cru où toi et tes belles résolutions, connard. La réponse au carcher sera la révolution. Comprends-moi, j'ai trop la rage, ma France captera le message. Ils nous croient pas capables, de toute façon ils nous jugeront coupables. Les fautifs, la déchéance intergénérationnelle. Fautifs, nous voir comme des idiots qui puent la merde. Ça va arriver comme une fusée dans leur gueule. Voire même comme une grosse rafale de gun. Des barricades, des pavés, des rues, des pavés. Alors qu'il est, on va les dégoudronner et tout flamber. Je rêve de voir plein de fumée à inhaler sans hésiter. L'heure du changement aurait-elle enfin sonné. Ils font tout pour que ça flambe avec des termes qui nous coupent les jambes, nous coupent le souffle, nous essoufflent et nous étouffent. La bouffée d'air, ce sera cette manière de voir les choses claires. À crier ce qu'il ne faut pas taire, les mettre à terre. L'état de ma génération dépend de la vôtre, celle qui nous contrôle, nous insulte et nous provoque. On en a marre, ça rase. Comment leur faire comprendre que un monde sain, c'est pas dur à entendre. Mais t'as rien capté, en rêve de paix, c'est vrai. Tu t'es pas demandé pourquoi tant de haine nous animait.